En RS, je suis sur le trafic. Les 2004 qui trafiquent. En RS, je suis sur le trafic. Les 2004 qui trafiquent. Un power, je suis sous la pluie. Souffrant qui à tout moment je pars en trip. Un power, je suis sous la pluie. À tout moment je pars en trip. Mets le produit sous le plastique. Les quiches t'attendent l'élastique. Je peux te faire vivre un film d'horreur. Comme un 44 ou un 6-hour. Le rover en 4-4, y'a trop de power. Qui t'a dit que la plata faisait pas le bonheur? Plein de commissions, ça bosse. J'suis comme transporteur, j'ai tout mis dans le coffre. Faut qu'on m'en dit pas la force. C'est pas ces ML qui remplissent ma poche. Plein vent, minimum 10K. J'dégaine du poil les Mona Lisa. J'prends des infos pour retourner chez toi. Ciel étoilé dans tout l'habitacle. Tout ce qu'on raconte c'est que du réel. J'ai zéro taf ou c'est le couta. J'ai fait les 400 coups, fallait bien qu'on brasse. Sur le bitume en CP, j'ai connu les galères et les coups de grâce. Ça date pas d'hier qu'on brasse. En RS, je suis sur trafic. Les 2004 qui trafiquent. Un power, je suis sous la pluie. Souffrant qui a des moments, je pars en trip. Un power, je suis sous la pluie. À tout moment, je pars en trip. Mets le produit sous le plastique. Les quiches t'attendent l'élastique. En RS, je suis sur trafic. Les 2004 qui trafiquent. Un power, je suis sous la pluie. Souffrant qui a des moments, je pars en trip. Un power, je suis sous la pluie. À tout moment, je pars en trip. Mets le produit sous le plastique. Les quiches t'attendent l'élastique. Je vais faire tourner le bus dans la tête. Mais les petites la tête ramènent les queues pas la tête. Voulais jouer en équipe de France. Mais regarde, je suis en choc. Partout dans la France. La veuve et du diable pour la teuf. Un papillon non sur la seuf. Elle est bonne, c'est la mère. Mais la baiser, c'est pour 20. 38 espèces pour les histoires de bouffe. Déterre ta manière d'être, tu sais que je suis un homme. Si tu me prends pas au sérieux, tu goûtes trop chromé. Je refais la déco. Je rappe à ma cana. Je vais parler les bastos. Je finis tout en beauté. Défoncé dans la ville, je fais des drifts. Je t'éproche mon petit pour des selfies. J'ai tapé le colo. Un plat béret, je suis maudit. Mais pour ma vie, je me tue les poumons sous guérisse. J'ai fait les 400 coups, fallait bien qu'on brasse. Sur le bitume en CP, j'ai connu les galères et les coups de grâce. Ça date pas d'hier qu'on brasse. En RS, je suis sur trafic. Les 2004 qui trafiquent. Un power, je suis sous la pluie. Souffrant qui a des moments, je pars en trip. Un power, je suis sous la pluie. À tout moment, je pars en trip. Mets le produit sous le plastique. Les quiches t'attendent l'élastique. En RS, je suis sur trafic. Les 2004 qui trafiquent. Un power, je suis sous la pluie. Souffrant qui a des moments, je pars en trip. Un power, je suis sous la pluie. À tout moment, je pars en trip. Mets le produit sous le plastique. Les quiches t'attendent l'élastique. Un power, je suis sous la pluie, ça glisse. Hein. Un power, je suis sous la pluie, ça glisse. Hein. Un power, je suis sous la pluie, ça glisse. Hein. Bye bye bye bye bye bye bye.